Chapitre 6. Ruiné, dépouillé, perdu. Il était resté sur le banc, comme étourdi par une commotion. Il maudissait le sort, il aurait voulu battre quelqu'un. Et pour renforcer son désespoir, il sentait peser sur lui une sorte d'outrage, un déshonneur. Car Frédéric s'était imaginé que sa fortune paternelle monterait un jour à 15 000 livres de rente. Et il avait fait savoir, d'une façon indirecte, aux Arnoux. Il allait donc passer pour un hableur, un drôle, un obscur polisson, qui s'était introduit chez eux dans l'espérant d'un profit quelconque. Et elle, Madame Arnoux, comment la revoir, maintenant? Cela, d'ailleurs, était complètement impossible, n'ayant que 3 000 francs de rente. Il ne pouvait loger toujours au quatrième, avoir pour domestique le portier, et se présenter avec de pauvres gants noirs, bleuis du bout, un chapeau gras, la même redingote pendant 1 an. Non. Non, jamais. Cependant, l'existence était intolérable sans elle. Beaucoup vivaient bien, qui n'avaient pas de fortune. Des lauriers, entre autres. Il se trouva lâche d'attacher une pareille importance à des choses médiocres. La misère, peut-être, centuplerait ses facultés. Il s'exalta, en pensant aux grands hommes qui travaillent dans les mansardes. Une âme comme celle de Madame Arnoux devait s'émouvoir à ce spectacle, et elle s'attendrirait. Ainsi, cette catastrophe était un bonheur après tout. Comme ces tremblements de terre qui découvrent des trésors, elle lui avait révélé les secrets opulents de sa nature. Mais il n'existait au monde qu'un seul endroit pour les faire valoir, Paris. Car, dans ses idées, l'art, la science et l'amour, ces trois faces de Dieu, comme eût dit Pellerin, dépendaient exclusivement de la capitale.